ça va la mission. Vont m'attendre la mort. Si t'es à la mission, fête à Maracana. Fête à Maracana. La sata va mission. Des fois, ma ida non. Manar la va mission. Fête à Maracana. Ci like the new one ila no chan the one ila no chan wa Sacando.